découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gumazo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Nicolas. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors moi je suis Nicolas et je suis le président du groupement des agriculteurs bio des Vosges. Voilà, puis je suis aussi un des gérants de la ferme du bien-être à Gérardmer. Nous allons parler d'un événement qui se déroulera le 14 juillet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est le gros événement pour les agriculteurs bio des Vosges, c'est Fêtons la bio, qui a lieu tous les ans le 14 juillet, qui a lieu depuis quelques années à la ferme du bien-être, et cette année, qui change d'endroit, qui sera à Gerbépal, sur la ferme du Hasard. Et qu'est-ce qui va se passer durant cette journée ? Alors c'est vraiment une manifestation déjà qui va présenter une trentaine de stands, de producteurs évidemment, et d'artisans, et également d'associations environnementales. Et puis c'est, comme son nom l'indique, une fête aussi. Donc on a vraiment mis le paquet cette année sur tout ce qui est animation, avec un tas de choses que je détaillerai peut-être par la suite. Et pour les producteurs locaux, qui est-ce qu'on pourra retrouver à cette manifestation ? Alors on va retrouver pas mal de producteurs de différents produits, des producteurs de fromage évidemment, puisque c'est un peu la spécialité du massif, mais aussi des producteurs de plantes aromatiques et médicinales, je pense à l'entreprise Chapeau de paille et bottes de pluie ou la ferme du bien-être évidemment. On trouvera également des producteurs de vin qui viennent d'un peu plus loin, mais on en a assez peu dans le département, du coup on fait appel à nos collègues alsaciens. On aura du miel, on aura du pain, on aura vraiment tout type de produits. Et est-ce que vous avez prévu un programme pour cette journée spéciale ou pas ? Alors oui, il y a un programme qui est assez chargé. Hein. La manifestation commence à 9h et se termine à 19h. Et toute la journée, il y a toute une série d'animations. Et je crois que la première animation commence à 10h30 avec un spectacle clownesque qui est vraiment destiné, pour le coup, aux enfants. Et à partir de 10h30, il y aura plusieurs ateliers, notamment des visites de ferme. Ça, c'est vraiment intéressant, justement, pour visiter la ferme du Hasard et comprendre quelles sont ses spécificités. Il y aura des ateliers de vannerie, il y aura des balades à la découverte des milieux humides. Il y aura un concert, ça sera un peu le clou du spectacle, à 16h30, le concert de Marie Pétrolette, qui est une chanteuse fémino-humoristique. Elle a donc des chansons très festives, accordéon, etc. Voilà, dans les grandes lignes. Comment est-ce que vous avez choisi les participants pour cette manifestation ? Alors les participants ont été choisis comme l'an passé, hein. C'est une manifestation qui se déroule depuis un certain nombre d'années, et du coup bah, évidemment chaque année les artisans et les producteurs qui étaient présents l'année passée sont invités à nouveau, les associations également. Et puis concernant les animations, c'est vrai que le groupement des agriculteurs bio collabore pas mal avec différentes associations, je pense, et j'ai oublié de les citer aussi, l'association etc. par exemple, qui fait vraiment de l'animation environnementaliste et qui prévoit aussi plusieurs jeux dans le courant de la journée, notamment un jeu qui va s'appeler la cocotte grignotée et qui invite les enfants et les plus grands à aller à la recherche d'indices de nourriture laissés par les animaux. Voilà, c'est un petit rallye pédestre qui aura lieu autour de la ferme. Alors j'avais une petite question, on dit souvent c'est la grande question, cette manifestation s'appelle Fêtons le bio, mais c'est quoi la différence entre les produits locaux bio et ceux qui ne le sont pas ? Bah pour nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant. Le bio, évidemment, c'est ce qu'on défend avant tout, le respect du cahier des charges, le fait de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Mais local a plus de sens aussi, parce que quand on pense réduction du bilan carbone, économie d'énergie, bah évidemment, on pense local. Et je pense que dans la plupart de l'esprit des consommateurs, c'est quelque chose qui est bien ancré. Donc on cherche avant tout à trouver des producteurs autour de chez soi avant d'aller plus loin, si vous voulez. Donc ça a vraiment du sens pour nous. Et est-ce que les produits locaux, par exemple, comme les fruits, comme les tomates, etc., est-ce que la différence, c'est que les fruits sont pas traités par rapport à des produits industriels, par exemple ? Bah, dans la mesure où ces fruits respectent le cahier des charges, évidemment, ils sont pas traités. Et puis surtout, ils poussent sur notre terroir. Donc, c'est sûr qu'avoir des tomates dans les Vosges, on a du mal à les avoir avant le mois de juin, juillet. Mais bon, il faut accepter ça. On est aussi dans une zone un peu montagneuse. Donc, nos habitudes de consommation doivent aussi respecter la saisonnalité des choses. Pour Fêtons le bio, d'où viennent principalement les participants ? Alors les participants viennent vraiment d'un petit périmètre, hein, du département des Vosges déjà, les associations également et les producteurs aussi, et puis peut-être plus particulièrement de la région, de la zone montagne, hein, de la zone du massif vosgien, donc vraiment de la proximité. J'imagine que ça demande pas mal de temps pour organiser un tel événement. Alors c'est vrai que c'est un gros travail d'organisation, hein. Le groupement des agriculteurs bio y travaille depuis un certain nombre de mois. Il y a tout un ce qu'on appelle un copil là, qui se réunit très régulièrement pour organiser cette belle manifestation. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a un peu le coup de bourre la semaine juste avant où il faut vraiment mettre en place les structures, monter les chapiteaux, etc. Mais voilà, c'est un moment qu'on aime bien partager aussi, et du coup tous les ans c'est très volontiers qu'on met du cœur à l'ouvrage pour que cette fête soit la plus belle possible. Et qui gère tout ça ? Alors, la gestion de l'organisation incombe vraiment au groupement des agriculteurs bio des Vosges, ce qu'on appelle le GAP 88. Et puis, il est clair que comme cette manifestation a lieu sur une ferme, eh bien, les gérants de cette ferme, qui sont Olivier et Manon Toussaint aujourd'hui, auront une grosse part de boulot à faire aussi pour, apprêter l'endroit et qu'il soit prêt à accueillir du public. C'est vrai que les fermes sont pas toujours des endroits où on accueille du public. Et ben là, il faut un petit peu arranger, etc., pour que le public puissent venir nombreux. Est-ce que ça sera payant ou pas ? Alors, cette manifestation est entièrement gratuite, hein, l'entrée est libre de 9h à 19h, et puis certaines des animations qui sont proposées, par contre, sont payantes. J'ai oublié de citer aussi des balades en âne, par exemple, et bien là, je crois qu'il faudra réserver et puis payer un petit quelque chose pour pouvoir se promener à dos d'âne. Est-ce que ça sera tout public ? Oui, cette fête est vraiment conçue pour tout public, mais je pense qu'on a essayé particulièrement cette année de développer un peu toute la partie animation pour que cette fête soit vraiment une fête familiale. Elle se veut champêtre par nature, puisqu'elle se passe sur une ferme et plutôt en milieu rural, et vraiment toutes les animations qui sont proposées sont vraiment à destination des enfants et des parents aussi, évidemment. Donc oui, tout public. Est-ce qu'il y aura une buvette ? Alors, cette manifestation, bien sûr, proposera de la petite restauration pour le repas de midi, avec, je crois qu'on pourra trouver des flamencuches, des frites, des burgers. Donc évidemment, tout ça issu des produits des producteurs. Hein. Et puis oui, il y aura une buvette, pareil, sur place, ouverte toute la journée. Et qui s'occupera de ça ? Alors la buvette, pareil, est gérée par le groupement des agriculteurs bio. En fait, les bénéfices qui sont engendrés par la buvette permettent de faire vivre notre association, et c'est le cas de cette manifestation aussi finalement. Alors je voulais qu'on parle de votre rôle de président de GAEC. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, la présidence du groupement des agriculteurs bio consiste à fédérer un peu tous les agriculteurs du département, à défendre un petit peu aussi l'agriculture biologique. Hein. Elle a été assez malmenée ces derniers mois, et voilà, on a à cœur de la rendre vivante, dynamique, et puis surtout bien ancrée dans la réalité, dans notre quotidien, quoi. Donc voilà, le rôle de président, c'est ça, c'est d'essayer de fédérer ensemble, hein, parce que je suis président, mais on travaille en équipe. Évidemment. Voilà un peu le rôle de président au sein de cette association. Est-ce que c'est une association nationale ou locale ? Alors le GAP 88 est une association locale, hein, qui correspond aux agriculteurs bio des Vosges, mais elle émane de plusieurs autres organismes, donc déjà Bio en Grand Est, qui est l'organisation Grand Est, si vous voulez, de l'agriculture bio, et puis cette association Bio en Grand Est émane aussi d'une association nationale. Donc finalement le GAP 88, groupement des agriculteurs bio des Vosges, est la petite unité vosgienne de cette grande famille des agriculteurs bio. Et est-ce que vous vous rencontrez parfois entre vous à un moment de l'année ou pas ? Oui, à plusieurs moments, on a l'occasion de rencontrer nos homologues ou les animateurs déjà de Bio en Grand Est, donc la structure de la région Grand Est. Et puis, moins souvent, mais c'est également possible aussi de rencontrer nos homologues de la France entière finalement. Est-ce que vous avez des partenaires pour Fêtons le Bio ? Alors, plusieurs partenaires pour Fêtons le Bio. On pourra citer évidemment nos financeurs, que sont le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, le département également nous aide financièrement pour la réalisation de cette manifestation. Et puis on va retrouver également Bio en Grand Est, notre structure un peu à l'échelle Grand Est. Et comment ça se fait un partenariat comme ça ? Alors c'est un partenariat qui se construit depuis des années, hein, depuis l'existence du groupement des agriculteurs bio. Je pense que le GAB a sollicité à différents moments, alors que ce soit les banques ou les compagnies d'assurance, pour pouvoir disposer de fonds. Et puis il y a un vrai partenariat historique avec le département aussi. On se rencontre régulièrement avec le département pour construire des projets justement et pour pouvoir faire financer ce type de projet tel que Fêtons la Bio qui a lieu prochainement, quoi. Est-ce que vous avez d'autres événements prévus après Fêtons le Bio avec l'association ou pas ? Alors, Fêtons le Bio clôture un petit peu finalement les manifestations grand public sur l'année. Hein. Il y a eu un autre événement qui a lieu à Relanges dans la Plaine, qui s'appelle Relanges Bio, qui est une très belle manifestation aussi. Et par contre, on envisage évidemment d'autres événements. Je sais qu'il y a en prévision à l'automne un autre événement qui porte encore pas de nom, qui n'est pas forcément à destination du grand public, mais l'idée de cet événement-là est de rassembler un peu tous les gens qui sont concernés par l'agriculture bio, dans l'idée justement de se fédérer, de voir un peu plus large que juste les agriculteurs bio, mais de pouvoir intégrer les consommateurs, de pouvoir intégrer des magasins de distribution des produits bio, des associations environnementalistes. Voilà, on a envie de faire les choses un peu plus en grand, et ça sera pour l'automne, le mois d'octobre, je crois. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour nos auditeurs avant qu'on clôture cette interview, Nicolas ? Alors oui, je voulais aussi parler du choix de la ferme du hasard. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que Fêtons la bio a eu lieu à plusieurs endroits, au col de Bonnefontaine, sur la commune de Tendon, à la ferme du Bien-être pendant plusieurs années. Et nous avons choisi cette année la ferme du hasard, donc qui se situe à Gerbépal, sur la petite commune de Gerbépal, qui est entre Gérardmer et Saint-Dié, grosso modo, pour deux raisons. La première, c'est parce que elle illustre assez parfaitement une problématique qui m'est vraiment associée au milieu agricole, qui est la problématique de la transmission. On sait aujourd'hui que un tiers des agriculteurs dans les 10 années à venir, partiront en retraite. Donc c'est assez conséquent, et on sait aussi que très peu d'entre eux seront remplacés. Eh bien, il se trouve qu'à la ferme du hasard où nous allons, il s'agit d'une transmission perfide, puisque Olivier, qui tenait la ferme du hasard depuis des années, cède son exploitation à sa fille, Manon. Voilà, donc ça illustre bien cette problématique qui est vraiment dans l'air du temps, si vous voulez. Et puis la deuxième raison aussi, c'est parce que cette ferme représente un beau modèle de diversification. Vous savez, la diversification, ça signifie que sur une ferme, il y a plein d'ateliers différents. Eh bien, à la ferme du hasard, on peut trouver de l'élevage bovin, donc avec les vaches, des moutons, des poules, mais également du maraîchage, des petits fruits, et également de la transformation à la ferme. Je pense notamment aux délicieuses glaces qui sont faites à base des petits fruits et des plantes de la ferme du hasard. Voilà, donc ces deux raisons font vraiment qu'on a choisi de mettre un petit peu en relief ce type de ferme cette année. Donc on rappelle à nos auditeurs de se rendre le 14 juillet à Gerbépal pour l'événement Fêtons le bio. Voilà, c'est ça, de 9h à 19h. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Nicolas ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut souhaiter au mouvement bio de façon générale de continuer à être aussi dynamique qu'il l'est, de continuer à faire des émules, et puis finalement de répondre aux enjeux de société, surtout. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a à cœur, les enjeux environnementaux, évidemment. On pense forcément à ça quand on parle d'agriculture bio, mais aussi les enjeux sociaux. On parlait de transmission tout à l'heure. Eh bien, c'est une réalité du monde agricole, et voilà, j'espère que les années à venir nous réservent de belles surprises, en tout cas. D'accord. Cette interview est maintenant terminée. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie, et puis je vous attends nombreux le 14 juillet. L'appel est lancé. On fera une petite communication sur nos réseaux sociaux. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que nous pourrons vous recevoir pour parler d'autres événements à venir, comme dit le dicton « Jamais 203 ». Tout à fait. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde.